Seltsam im Nebel zu wandern, einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Il est étrange de se promener dans la brume. Chaque buisson et chaque pierre est solitaire. Aucun arbre ne ressemble aux autres. Chacun est seul. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Mon monde était rempli d'amis. Tant que ma vie était encore claire. Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allen ihn trennt. À la vérité, personne n'est sage qui ne connaît la pénombre qui, inexorablement et doucement, le sépare de tous. Seltsam im Nebel zu wandern. Leben ist Einsamkeit. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Il est étrange de se promener dans la brume. La vie, c'est être seul. Aucun être humain ne connaît l'autre. Chacun est seul. Ist allein. Est seul. Ist allein. Est seul.